Vous m'entendez ? J'ai pas l'habitude des micros, je suis enseignante et en général je porte la voix, donc il faut que je dose. Donc oui, je m'appelle Mylène Pardoen, je travaille à l'Institut des sciences de l'homme à Lyon et je suis docteur en musicologie. J'ai quitté les berges de la musicologie pour m'attaquer à un sujet qui n'existait pas auparavant. Donc la première question à se poser, c'est donner un titre. Un titre à ce que l'on cherche. Donc je suis archéologue du paysage sonore, c'est-à-dire que je vais... Ah, alors le micro ne fonctionnait pas. Ah, ça me semblait bien. J'entends... Ah oui, mais... Celui-ci est mieux, oui, mais j'entends le retour. Donc je suis archéologue du paysage sonore, c'est-à-dire que je vais analyser, étudier les paysages sonores du passé. Donc ça existe plus ou moins déjà. La grande différence, c'est que j'ai fait un grand saut dans le futur, puisque une partie de mon travail consiste à vous les donner à entendre, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Lorsqu'on m'a invité, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité, je me suis posé beaucoup de questions, parce que je me suis dit, information, architecture, c'était une grosse question. Et en travaillant un peu le sujet, parce que ça m'intéressait aussi, je me suis aperçue que, comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, moi je faisais de l'architecture d'information sans le savoir. Donc on va cheminer tous sur mon questionnement sur cette architecture d'information, et je vais vous présenter mon travail. Donc montrer l'invisible, plus exactement, moi je ne le montre pas, je vais... Toute une partie, c'est vous le faire entendre, faire écouter cet invisible. Donc reconstruire un paysage sonore de Paris au XVIIIe siècle, c'est la thématique du projet qui est un projet exploratoire. Donc exploratoire, ça veut dire qu'on s'autorise à tomber dans un cul-de-sac et de repartir en arrière pour repositionner la recherche. Il faut qu'on soit tous ensemble d'accord sur la terminologie. C'est un projet transdisciplinaire. Alors, tout le monde me dit ouais, il est aussi pluridisciplinaire. Non, il est transdisciplinaire parce que tous les acteurs, je ne suis pas toute seule, même si je représente 100% des archéologues du paysage sonore, je vais presque dire au monde, mon humilité en prend un coup. Je ne représente pas quand même 100% de l'équipe, parce que je ne fais pas tout. Je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas tout. Mais c'est un projet où j'ai besoin d'un certain nombre de personnes qui m'accompagnent dans cette recherche d'information, puisqu'on est sur de la recherche d'information, de l'architecture d'information et de l'information à diffuser. La spécificité, c'est que la problématique, elle tourne autour du sonore. Quand j'ai commencé à avoir l'idée, c'était ce que j'avais dans les oreilles, donc c'était bien du son et c'était pas du visuel. Alors, par rapport à la première intervention où on est plutôt axé sur du visuel, moi c'est le constat que j'ai fait, c'est que le visuel c'est le premier de nos sens. Tout s'accroche à du visuel et on a complètement oublié qu'on avait des oreilles. Et quand j'ai commencé à parler de mon projet, même ceux qui sont dans le son avaient du mal à percevoir ce que je désirais faire. D'où mon cheminement intellectuel en me disant si rien que le son tout seul ça ne parle pas à des personnes qui sont dans le son réellement, il va falloir pour ouvrir la recherche s'appuyer sur autre chose. Donc la restitution elle se fait autour du sonore, mais il y a une partie visuelle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'enjeux patrimoniaux. L'ouïe, c'est un sens qui est complètement oublié. Si vous ne faites pas attention, vous allez regarder les panneaux, mais vous n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Et le nombre de fois où on me dit « il n'y a même plus d'oiseaux dans une ville », il suffit un peu de se décrasser le tuyau auditif pour savoir qu'il y a quand même des oiseaux, des chiens, la nature, elle est présente dans la ville. Donc l'ouïe est un sens oublié, et le but, c'est de vous faire redécouvrir que vous avez des oreilles. Et que les ambiances sonores, elles font partie de notre patrimoine. Ce n'est pas seulement la musique à 5 sous qu'on nous passe dans les grandes surfaces, qui sont là pour mettre en appétence pour acheter les produits, mais pas forcément pour rendre agréable un lieu. L'approche, elle est originale, puisque je vais m'appuyer sur le sensible. Le sensible est un vecteur complémentaire à une recontextualisation. Alors, je ne fais pas de l'histoire du sensible. vous avez des grands noms, des grands prêtres de cette histoire-là, notamment Alain Corbin, qui a beaucoup réfléchi sur cette histoire du sensible. Mais moi, je vais vous présenter l'histoire par le sensible. C'est un trajet intellectuel, un cheminement intellectuel qui est complètement différent et qui est très complexe et compliqué. La dimension sonore, elle doit être cohérente avec l'histoire sociale et urbaine. Alors pourquoi elle doit être cohérente ? Parce que depuis le début de cette session, on parle beaucoup de virtualité, réalité augmentée. Si les deux sens ne sont pas en adéquation, immédiatement le cerveau va décrocher et c'est ce qu'on va lui raconter. C'est vraiment c'est une cagade, hein, c'est faux, c'est de la blague, et il va s'en décrocher. Or, nous, on est sur des produits scientifiquement, que l'on veut scientifiquement valides et que l'on veut apporter, soit pour des musées, soit pour de l'enseignement. Donc il ne faut pas que le public qu'il y a en face de nous s'imagine une autre histoire. L'innovation du concept, 5D, c'est un grand mot, c'est trois fois rien. C'est la 3D habituelle, maintenant on est plongé dedans depuis pas mal d'années. La quatrième dimension qui est le déplacement dans la maquette, et c'est la raison pour laquelle j'utilise une plateforme de jeu vidéo, mais juste la plateforme, j'insiste lourdement, le jeu vidéo je ne l'ai pas utilisé, c'est juste la plateforme qui me permet justement de déambuler dans la maquette, et déambuler non pas à travers un avatar, mais à la première personne. Ça donne vraiment cette sensation d'immersion qui est plus importante. Et bien sûr, la cinquième dimension, qui est le sensible, en l'occurrence, nous, le sonore. Pourquoi on ne met pas encore d'olfactif ? Ben, je ne sais pas si vous pouvez avoir une petite idée pour l'instant de ce qui se passe au XVIIIe siècle côté olfactif, mais moi, je ne vous le conseille pas. La restitution, elle est articulée autour du sonore. C'est-à-dire que quand on a commencé la maquette, on a travaillé en concomitance, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais on est en concomitance avec le visuel. Et tout s'articule autour de cette spécialité qui est l'archéologie du paysage sonore. Et qui nous ouvre des nouvelles perspectives, notamment au niveau de l'édition scientifique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des procédés éditoriaux de type hétérographique. On s'appuie sur le sensible pour faire passer des messages. Je ne fais pas de manipulation, je vous rassure tout de suite. Par contre, j'écris, je n'écris pas forcément avec des mots, je vais écrire avec des bruits et des sons pour vous narrer un moment de l'histoire possible dans le passé, le présent ou voire le futur. Et la création d'un nouveau média qui implique la réalité augmentée, puisque nous sommes en contact pour créer un documentaire en réalité augmentée avec tous les champs des possibles et des difficultés qui s'annoncent. Alors ça nous met toujours en appétence, nous, en tant que chercheurs, hein, parce que quand il y a de la difficulté, on se dit chouette, il y a beaucoup de travail à portée de main. Donc je vous l'ai dit dès le départ, c'est un projet expérimental, mais il est à fort potentiel. Donc en général, on est souvent abordé par des gens de soit du jeu vidéo, mais qui s'imaginent que ça peut les servir pour le jeu vidéo. On est plutôt abordé par les musées. C'est plutôt actuellement les acteurs pour qui je travaille le plus. Encore que, depuis quelques mois, je suis abordé par les autres médias pour faire soit des docu-fictions, soit donc pour apporter une expertise sur ce type de médias. Alors, pourquoi ce projet transdisciplinaire ? C'est pour répondre aux attentes des différents publics. Vous avez dû observer, même si vous êtes tous jeunes, que le public le plus jeune est en appétence au multimédia. Mais j'ai remarqué dernièrement dans les musées que les publics plus âgés étaient également très attirés par le multimédia. Donc, c'est apporter une dimension sensible par l'audio. Et c'est surtout redonner l'envie de découvrir. Je pratique beaucoup les fêtes de la science, Journée nationale d'archéologie, Nuit des chercheurs, toutes ces activités, ces événements, ces animations. Et j'aime bien parler au jeune public, puisque c'est à travers la maquette, ça me permet de les réorienter vers de l'histoire. Bon, en général, l'histoire, ils n'aiment pas trop, mais surtout de les réorienter vers la bibliothèque. Et j'insiste lourdement sur le fait que ce qu'ils ont, c'est la virtualité, on est bien d'accord, c'est du contemporain puisqu'on est sur des médias qui sont multimédias. Mais pour avoir toute cette information, moi, je suis obligée d'aller travailler en archives et en bibliothèque. Donc systématiquement, je leur dis que le livre, le papier, c'est pas mort et il faut continuer à le pratiquer. Donc, comme vous pouvez noter ici, nous sommes relativement nombreux à travailler autour du projet. Et s'il nous manque une pièce, eh bien, le projet tombe à l'eau. C'est pour ça qu'il est transdisciplinaire. Alors, c'est assez complexe comme machine. Au tout début, je vous avoue que je n'avais pas ça dans la tête. Je pensais faire quelque chose de petit. Enfin, petit et grand, mais vous allez comprendre. En tout cas, c'était pas aussi complexe. Et aujourd'hui, c'est encore un peu plus complexe. Je n'ai pas tout à fait remis à jour le graphique. Mais vous voyez bien que tous les acteurs ici sont essentiels pour travailler sur un logiciel de plateforme de jeu. Et je travaille le son sur une plateforme qui s'appelle Wise. Puisque, alors, je ne travaillais pas sur la dernière version de plateforme de jeu vidéo. Et lorsque j'ai voulu placer mes sons, parce que je dois passer beaucoup de sons, je ne pouvais plus naviguer à l'intérieur. Donc, on a décorrélé le logiciel et le travail sur le son qui se fait ici. Le but, c'est de créer une matrice. Alors, sans doute pas matrice dans le sens où on va dire un modèle figé. C'est plus, on va dire, des protocoles pour avoir une méthode de travail relativement simplifiée et éviter toute errance ou déserrance pour arriver à un résultat. Alors, pourquoi la plateforme de jeux vidéo ? Initialement, je pensais travailler pour les musées, donc c'était sur une expérience que j'avais eue auprès de musées. Et les musées, n'ayant pas beaucoup de moyens, ils aimeraient faire du multimédia, mais on doit faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc pour trouver une solution, je suis allée du côté des concepteurs de jeux vidéo qui m'ont dit « Oh, ben là, la solution, on peut sortir sur n'importe quel système et n'importe quel support ». Ce qui fait que, pour moi, c'était la solution adaptée pour les musées. Donc, vous voyez qu'on peut sortir tout à fait en bas. Je ne sais pas si on le voit avec le bureau. Mais on a à la fois de la réalité augmentée, la possibilité de descendre sur des bornes, faire des vidéos sonorisées, faire des supports pour l'éducation. Bah, tout le champ des possibles était ouvert. Et vraiment, ça nous a ouvert de nombreuses portes. Parce que lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, si on n'a pas des partenaires, même s'ils ne mettent pas la main à la poche, mais des partenaires qui disent « on est partant, on vous soutient avec ce que l'on a », ça devient un peu difficile. Moi, je suis Peanuts. Je suis juste là. Même si j'ai plusieurs casquettes, c'est à la fois beaucoup et c'est trois fois rien. Mais par contre, j'ai besoin de tout le monde tout autour. Alors, le nom du projet, Brothèse. Tout le monde me dit, c'est quoi cette carte Brothèse ? Tout le monde connaît la carte Turgot, hein, le Paris de Turgot de 1739, mais pas Brothèse. J'ai voulu rendre à César ce qui était à César. Brothèse, c'est l'ingénieur qui a levé le plan de Paris. À son époque, il était innovant, puisqu'il a créé cette perspective pratique de l'architecture. C'est quoi ? C'est ce que nous, on pratique, enfin, pour les architectes, pratique presque au quotidien. C'est ce qu'on appelle perspective cavalière. Donc c'était vraiment innovant pour l'époque, et il a créé ceci. Hop. Donc moi, dans ma grande folie, je me suis dit, chouette, j'étais tombée amoureuse de ce plan, je suis tombée amoureuse de l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier, et ça a fait tilt, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose. Donc je suis allée voir des graphistes, j'ai dit, voilà, il faudrait modéliser tout Paris. Alors là, on m'a dit, non, tout Paris, pas possible. Il faut réduire la zone, parce que ça va demander déjà beaucoup de temps. Donc, la première étape dans ma recherche d'information, ça a été de cibler une zone que je pouvais modéliser, puisque je garde toujours à l'esprit de faire tout Paris, mais si je veux faire tout Paris, il faut que j'ai des cadres suffisamment tangibles. Donc, je me suis arrêtée juste sur cette petite zone-là, 50 hectares, autour de la place du Châtelet. Voici. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant ? Eh bien, tout simplement, ici, c'est la porte de la ville de Paris, la Grande Boucherie, le Grand Châtelet. Donc, le Grand Châtelet, c'est le commissariat de l'époque, avec la prison. Donc, si vous lisez le commissaire Le Floch, il loge là-dedans. Je ne sais pas où exactement, je n'ai pas réussi à le localiser, mais bon, on aura peut-être l'occasion plus tard. Ce qui est intéressant ici, ce sont ces deux ponts habités. Celui-ci, très bruyant. L'autre, beaucoup plus silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il fait le passage entre les églises, elles sont très nombreuses. Hein, sur la, ici, on est sur une avenue où on a énormément d'églises. Hein, c'est l'avenue Saint-Martin, le boulevard Saint-Martin. Donc on a notamment la Saint-Jacques de la Boucherie, dont il nous reste juste la tour Saint-Jacques à Paris. Et puis de l'autre côté, bien sûr, vous avez Notre-Dame. Donc sur ce pont-là, il faut être relativement silencieux. Ici, c'est un pont très bruyant, puisque, comme je vous ai dit, ici, c'est le commissariat. Et ici, le palais de justice. Donc on a un passage de personnes de justice. Ce qui est intéressant ici, c'est la Seine. Donc vous voyez que sur ce plan, c'est le seul lieu habité qui a immédiatement attiré mon attention. Donc tout le reste, c'est... c'est mort, mais là, c'est vivant. Donc voici tous les éléments qui ont fait que j'ai pu choisir cette zone-là. Une zone artisanale, ici. Une zone marchande, ici. Une zone de passage et marchande, là. Une zone de marché. Et bien sûr, la grande boucherie, qui fait également beaucoup de bruit. Donc des caractéristiques intéressantes à la fois sur le plan sonore et à la fois sur le plan visuel. Voici l'état de la maquette aujourd'hui. Donc c'est 25 hectares qui sont à disposition sur une plateforme de jeux vidéo et donc entièrement restituée. Alors, qu'est-ce que l'archéologie du paysage sonore? Je vous ai déjà un peu parlé de cette chose-là. Alors, comment m'est venue cette idée? En lisant un ouvrage qui fait référence pour tous ceux qui s'occupent des paysages sonores. C'est un ouvrage de Murray Schafer, Raymond Murray Schafer, qui s'appelle le paysage sonore et qui a été édité dans les années 1970. Mais son analyse, c'est de l'écologie du paysage sonore, c'est-à-dire qu'il a analysé les paysages et il a dit quand un repère sonore disparaît, c'est comme si on perdait une bibliothèque, donc il faut sauvegarder tous ces repères sonores. Donc il est sur du paysage contemporain. Pour commencer à réfléchir sur le paysage un peu plus ancien, eh bien, on est obligé d'aller un tout petit peu plus, d'aller fouiller du côté d'autres chercheurs. Donc Alain Corbin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les cloches de la Terre ». Mais il s'intéresse au paysage campanaire du 19e siècle. Alors moi, j'étais sur le 18e, donc il a fallu que je cherche encore un petit peu plus loin. Je suis tombée sur un petit ouvrage, pas très épais, de Jean-Pierre Guton, qui s'appelle « Les bruits et les sons dans l'histoire ». Donc là, il surface, hein, il fait un grand voyage dans le temps, en nous expliquant de façon très sommaire tous les paysages sonores qu'il a pu rencontrer dans ses ouvrages. Et là, ça a commencé à prendre vraiment matière. Donc, qu'est-ce que l'archéologie du paysage sonore? Eh bien, c'est vraiment une manière très... Je travaille comme les archéologues. Je vais chercher à épister les indices, les traces du sonore, dans les écrits, tous les écrits, et dans les visuels, et essayer de retracer ces paysages qui ont disparu. Alors, je travaille essentiellement avant la naissance de tous les moyens technologiques pour enregistrer et diffuser le son. Je peux travailler sur des périodes plus récentes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment repartir dans le temps. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher dans les ouvrages tout ce qui, à l'époque, comme ils n'avaient pas de moyens d'enregistrement, ils les ont insérés dans le texte. Et ce sont des textes qui sont bruyants ou ce sont des visuels qui sont bruyants. Mon travail, c'est pas du sound designer. Je fais du travail du sound designer, hein. Mais quand je fais de l'archéologie du paysage sonore, je ne fais pas du sound designer et je ne fais pas du bruitage non plus. Donc je n'invente pas les sons. Je fais simplement ressurgir des sons du passé qui sont encore présents dans notre environnement. Je n'invente pas de sons, je ne passe pas par des filtres ou des mécanismes autres. Alors, sur mon travail d'architecture, on a un tronc commun. Que ce soit visuel ou sonore, on a un tronc commun. Ce tronc commun, c'est la récupération, la collecte d'informations, toute cette partie-là. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans un premier temps, c'est cette partie-là, cette collecte, essayer de vous montrer les documents sur lesquels j'ai travaillé. Vous allez faire sans doute hurler certains d'entre vous. Je travaille de manière très artisanale et vous comprendrez pourquoi. Et puis, dans la deuxième partie, eh bien, il y a un montage qui se fait en concomitance entre ici le montage audio et ici le montage visuel. Donc la récolte. Cette récolte, dès le départ, j'ai été confrontée à pas mal de soucis. Alors, pourquoi j'ai été confrontée à des soucis ? Parce que les écrits sur lesquels je m'appuie ne sont pas exploitables directement. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je suis obligée de faire appel soit à des historiens, je ne suis que musicologue, hein, j'insiste lourdement, donc soit à des historiens, soit à des archivistes qui sont capables, eux, d'analyser, de lire ce type de document. Par contre, tous les documents sont bons. Et quand je dis tous les documents, ça va des PV de police au testament. Ça va également sur les registres d'impôts, les rôles de militaires. On trouve des informations partout. Ce sont des documents qui sont extrêmement riches. Voici le type d'écriture que l'on peut avoir. Donc, tout a été fait initialement à la main. Donc, mes collègues archivistes décryptent les documents. Donc, actuellement, on est en train de mettre une phase en route. Et cette seconde phase, c'est pour essayer de... parce que vous voyez que l'ossérisation, elle est possible, mais après, on ne va pas au-delà. Hein. On peut scanner, mais on ne peut pas ossériser comme on peut le faire sur de l'imprimé. Donc, actuellement, on est en train de réfléchir pour mettre au point des logiciels afin de restituer les mots et les détecter pour essayer d'aller un peu plus vite. Donc voici ici on est sur un registre d'impôts. Donc ça nous donne un certain nombre d'informations que l'on peut récupérer ici. Donc c'est les impôts sur le pont au change. Donc tous les registres nous donnent des informations que l'on va pouvoir dépiauter par la suite. Dans les sources de seconde main, c'est tout simplement des sources qui ont déjà été traitées, analysées et que l'on peut exploiter plus facilement, on va dire. Donc, par exemple, ici, le travail de Nicolas Lioncan, qui avait déjà fait un travail sur des registres d'impôts et sur des états de maisons à démolir. Donc là aussi, on a un certain nombre d'informations qui sont intéressantes. Et comme on pousse loin la petite bête, eh bien, on a aussi réfléchi à savoir comment était Paris à cette époque-là, parce que ce n'est pas seulement le fait de le refaire en 5D à plat, mais c'est plus intéressant quand on fait son relief. Donc on a fait une grosse étude sur le relief. Et donc pour ceux qui connaissent Paris aujourd'hui, là c'est tout plat. Et là vous voyez que nous on est plutôt sur des monticules et des creux. Ça donne ceci. Hein. Donc on est sur... le Grand Châtelet était dans un creux. Alors qu'aujourd'hui, on est à ras. Ici, c'est coupé jusque-là, jusque-là-haut. Donc Haussmann est passé par là. Alors vous allez me dire pourquoi travailler sur relief ? Je travaille sur du son, mais pas seulement sur des bruits et des sons, mais aussi sur l'acoustique. Alors, au niveau du traitement, eh bien, soit on va lire les textes, on va extraire à l'intérieur un certain nombre d'informations. Et là, on va avoir... une analyse, donc je vous ai dit, hein, ça c'est une analyse que j'ai faite à la main à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui sont possibles. J'avais fait une analyse des cinq sens dans l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier. Et ces indices récupérés nous renvoient un certain nombre d'informations que l'on peut exploiter dans le cadre du son. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le son, c'est une matière assez spéciale. C'est une matière qui est à la fois dans un espace et dans le temps. Donc, à chaque fois, on est confronté à cet espace et ce temps. Donc, l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier permet de rétablir certains rythmes de ville et de les localiser. Au niveau des visuels, c'est pareil. On va avoir un certain nombre d'indices à disposition. Comme ici, par exemple, ce tableau de Naudet qui nous offre une perspective du marché plein vent que vous aurez l'occasion peut-être d'écouter à la fin de la session. Et alors, il regroupe tout, hein, on est bien d'accord, et il va nous donner un certain nombre d'informations que nous, on va exploiter pour savoir quelle était l'ambiance sonore de l'époque. Ce qui veut dire qu'il faut lire le tableau qui nous offre des indices à la fois sur ce qui peut être perçu comme plus fort, moins fort, ce qui est important ou pas important. Par exemple, ici, l'aquamoteur, s'il est positionné là, ça veut dire qu'il était important dans le paysage de la Seine à cette époque-là. Et de remonter le fil de l'information. Et quand je dis remonter le fil de l'information, ça veut dire que quelque part, on est obligé systématiquement de croiser nos informations. Ici, c'est le plan dont je suis tombée amoureuse et qui a donné le titre au projet, le plan Rothèse. Et c'est la zone sur laquelle je travaille. Cette zone-là, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Eh bien, tout simplement parce que Rothèse place, positionne en 1739 un quai qui n'apparaîtra qu'en 1810. Donc, pour savoir si c'est vrai ou pas, on s'appuie sur d'autres informations. Ce plan de la Grive qui nous permet de voir que ce n'est pas un quai, mais il y a quelque chose. Et en détail, voici un autre plan de la baie de la Grive, où on voit qu'on est bien sûr de la berge, avec ici des espèces de pilotis. Pourquoi ? Parce qu'on était sur une zone artisanale pour les possiers et les pelletiers. Donc le but, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve un indice, non seulement on récupère l'indice, on piste l'information, on recoupe l'indice pour savoir si au moment où on veut situer la restitution, il existe ou pas. Pour les outils, c'est presque simple. On a tous le même fond de carte. Donc ce fond de carte, il est restitué en fonction des éléments qu'on a pu récupérer sur d'autres plans pour le nourrir. Mais on l'a tous, que ce soit dans le visuel, que ce soit les historiens, tout le monde a ce plan-là. Donc les faces blanches que vous voyez ici, les espèces de rectangles blancs, ça veut dire qu'on a trouvé des intérieurs. Aujourd'hui, ce que j'ai restitué, ce sont des ambiances urbaines, donc d'extérieur. Ce qui m'intéresse, ça sera de restituer les ambiances d'intérieur pour pouvoir étudier les porosités. Intérieur, extérieur, et savoir comment ça s'articule. Et puis, j'ai pris des outils tout simples, mais vraiment basiques. Je ne suis que musicologue. Dans un premier temps, c'était simplement un tableau Excel où j'ai inséré mes informations. Alors, il a fallu retrouver les largeurs des rues. Donc, parce que sur les plans, si vous touchez un peu les plans anciens, vous apercevez que ce sont tous des petits filets. On ne sait pas quelles sont les grandes rues, les petites rues. Donc les longueurs, les largeurs des rues. Le nombre de lanternes, puisque je rêve toujours de faire un Paris la nuit. Donc savoir l'éclairage par l'éclairage, c'est important aussi. Puis il est arrivé un moment où le tableau Excel ne suffisait pas. Donc j'ai commencé à classer toutes mes informations. J'ai bien essayé de me faire greffer deux têtes de chaque côté, mais là non plus, ça ne suffisait pas. Donc là, il faut passer à une autre étape. Et l'autre étape, c'est la base de données. Donc j'ai une base de données qui est en train de basculer sur une autre technologie, puisque je suis sur FileMaker Pro, qui était l'outil le plus transparent, le plus adapté à ce que j'avais comme technologie, technicité. Donc un outil qui aujourd'hui présente un certain nombre de faiblesses. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pensé mon outil de telle manière que quel que soit l'objet, je parle bien d'un objet, peu importe, ici on est sur un cloître, le cloître Notre-Dame qui est situé ici, quel que soit l'objet, mais ça peut être un objet son, ça peut être une rue, ça peut être n'importe quoi, on a toute l'information disponible pour savoir comment est cet objet. Donc, en l'occurrence, cet objet, j'ai sa localisation, j'ai quelques ouvrages qui en parlent, la localisation avec le cadastre, et puis un certain nombre de visuels à disposition. Et comme je travaille avec des gens du jeu vidéo et que l'acoustique est importante, eh bien, quand je vais à Paris, je fais des campagnes de photos et je récupère des textures pour qu'on soit bien en adéquation avec... entre le visuel et l'audible. Vous allez me dire, depuis tout à l'heure, elle nous parle de visuel, et rien pour elle, mais si, on y arrive. Donc, je suis tout à fait en bas, mais j'ai besoin, comme mes collègues, de tout ce qu'il y a en haut. Alors, pour l'information, pour les objets sonores, j'ai un certain nombre d'informations que je peux obtenir. Donc, comme on était dans l'architecture d'information, je me suis posé la question quel type d'informations je trouve et comment je vais le traiter. Alors, on a des informations directes. L'information directe, c'est à un objet qui est cité, un mot qui est cité, ça va me donner un indice sonore. Comme par exemple, les animaux, les personnes, des objets, un pot, d'accord ? Ça me donne des objets sonores. Et puis, direct également, les métiers, parce que ça nous renvoie à des pratiques et à des outils. Indirect, quand on tombe sur une information indirecte, c'est que dans l'écrit ou dans le visuel, on a une description d'ambiance. C'est bruyant, y a beaucoup de marchands. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a comme marchands, mais on sait que c'est bruyant, qu'il y a beaucoup de marchands. Et puis, indirect également pour les acoustiques. À partir de ces grandes familles-là, on va essayer de peaufiner. Donc, tout ce que je vous donne, moi, je le trouve là-dedans. Dans chaque document, on a des informations pour l'acoustique et les sons et les bruits qui existent. Et quand je dis tout, vous voyez ici, c'est un devis de travaux pour faire des façades. Ça nous permet de connaître l'acoustique d'un lieu. On sait que cette maison-là, eh bien, elle est faite avec des pierres, des enduits, il y a des fenêtres. Et le critère acoustique qui est lié à ce bâti, eh bien, et rentre en ligne de compte. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la largeur des rues. Donc, pour trouver la largeur des rues, eh bien, je suis tombée sur les carnets de taxis de l'époque, qui sont des carrosses. Et au bout de chaque rue, qui est correctement localisée, donc vous voyez là, chaque rue est correctement localisée, on a la longueur de la rue, et puis on a cette lettre. Donc 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, même des endroits, il y a 6C. Et c'est le C, c'est le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. Et comme ça, ça nous donne un indice. En prenant avec beaucoup de précautions, puisqu'il n'y a pas d'alignement des rues. Aujourd'hui, toutes les rues sont pratiquement alignées. Donc à l'époque, il n'y a pas d'alignement. Donc c'est bien le nombre maximum de carrosses qui passent dans l'endroit le plus étroit de la rue. Donc ça, c'était au tout début de ma recherche, pratiquement. Et puis, pour vous dire qu'on est vraiment sur de l'exploratoire et qu'on est en contact avec des gens qui sont quand même très intéressés par ce type de recherche, j'ai reçu un mail de la conservatrice de la Bibliothèque historique de la ville de Paris qui un jour me dit « On a les épures du verniquet ». Alors, je sais que pour vous, ça ne vous dit rien, le verniquet, mais le verniquet, c'est le premier plan triangulé de Paris. Donc, les épures, ça veut dire qu'elles ont ces épures-là, elles ont été extraite, tirée en 1786, pile poil sur ce que je voulais. Donc, tout de suite, j'ai pris un billet de train, je suis montée et je suis allée récupérer les informations. Et j'étais très fière de mon travail, pour une fois, je vous l'avoue, puisque entre le calcul que j'ai fait pour ces rues-là et le résultat de verniquet, je n'avais que 10 cm de d'erreur. Donc franchement, je peux vous assurer qu'un bon chercheur, s'il a les bons outils et s'il a un bon mode de pensée, on peut aller loin dans la projection. Alors l'acoustique d'une rue, c'est quoi ? Je vous parle du son depuis tout à l'heure. Eh bien, l'acoustique d'une rue, c'est tout simple. C'est la largeur, la hauteur. Alors pourquoi c'est important ? Parce que quand la rue elle est étroite, les sons sont rapprochés et plus elle est haute, moins les sons sortent. Ensuite, on a tous les matériaux. Ça, je vous en ai déjà parlé un tout petit peu avant. Donc, ces matériaux, ils sont importants parce qu'ils nous donnent un coefficient acoustique. Donc, par exemple, ici, on a plutôt de l'enduit, alors que là, on est plutôt sur un revêtement de pierre. Et au sol, on a du pavé. Et puis, on a tout ce qui est la forme. Donc, la forme en V, le son aura peut-être une tendance quand même à sortir, mais comme on est là sur un bâti haut, il ne sort pas tant que ça. On a la forme en U, et puis on a surtout la forme en V inversée, là encore bellement, où là, le son, il tourne à l'intérieur. Le son, c'est pas forcément plus bruyant qu'aujourd'hui, ou moins bruyant, mais comme les rues, elles sont plus étroites, on a une grosse densité de son. Et ensuite, eh bien, on va passer par des cartographies. Donc, dans un premier temps, on jette des informations sur la cartographie. Donc là, c'est un peu mélangé, parce que c'est vraiment un premier jet. Bon, on a détecté, on a la scène ici, on a des ponts, hein, ce que je vous ai fait tout à l'heure en entrée. Et progressivement, on va faire des millefeuilles. On va stratifier l'information. Et moi, je travaille aussi comme un gros millefeuille. Donc, on a la couche dite de base, qui comportera toujours autour de la scène, la scène plus de la brise. Et progressivement, on va faire rentrer les éléments naturels qui seront toujours présents. Et on va échelonner toutes les informations. Alors, une information qui est importante, c'est celle des artisans. Donc, on a pu localiser tous les artisans. Alors, quand on a une information telle que celle-ci, on prend l'information de l'artisan et on va chercher la pratique artisanale. Ensuite, on cherche l'outil. Est-ce que l'outil est encore pratiqué de nos jours ? Et s'il est pratiqué, on va enregistrer la pratique de l'outil. Pour l'enregistrement, j'ai des outils qui sont vraiment hyper simples. Ça fait hurler tous les gens de Radio France. Moi, j'ai un zoom. Alors, j'ai une bonne, un bon enregistrement. Je compresse pas mes informations. Hein, on est bien d'accord. Je suis sur du WAV. Je suis pas sur du MP3. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un outil tout simple. Et puis, ensuite, j'enregistre soit à trois niveaux, comme le font les graphistes, un niveau relativement loin de la machine, un peu plus près, et puis certains éléments plus particuliers. Donc, je peux avoir, par exemple, sur le métier à tisser, je vais avoir comme élément particulier le pédalier, la navette, et le métier juste là derrière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pratiquer par couche. Alors dans chaque ambiance, puisque je restitue des ambiances qui sont des mini scénographies pour que vous puissiez entendre tous les bruits, dans chaque ambiance, il peut y avoir jusqu'à 40 ou 50 fichiers sons pour que vous ayez vraiment l'impression d'entendre l'ambiance qui s'y déroule. En sachant que sur la couche ambiance, vous pouvez avoir 50 à 70 tableaux. Donc ça représente énormément de poids. Et après, c'est peanuts. Donc, j'utilise un gratuitiel qui est Audacity pour dérusher, nettoyer les fichiers. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire une prise de son de 3 minutes, la plupart du temps, on en a pour 3 heures. Ensuite, on les repositionne, donc suivant les types de logiciels. Aujourd'hui, je repositionne avec un logiciel qui s'appelle Reaper, en plus de Wise. Et puis, sur la plateforme de jeux vidéo, c'est juste une balise et puis on travaille dans Wise. Alors, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Le temps long, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'entame ma 12e année de travail sur ma maquette. C'est un temps long à la fois pour la recherche et la collecte d'informations. Vous vous doutez bien que déchiffrer tous ces documents, c'est pas forcément évident. C'est un temps long également pour la restitution. Donc là, vous allez avoir l'opportunité d'écouter 3 minutes d'une fresque qui fait 6 minutes. Pour faire la fresque de 6 minutes, j'ai mis 60 heures. Donc, on est vraiment sur du temps long. Des contraintes qui sont considérables. Le cadre de composition, on n'est pas compositeur. Je ne surfe pas sur vos émotions, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vous amène à réfléchir, c'est sur une ambiance possible d'un possible passé. Donc le cadre est très respectif et on est proche d'un cadre de travail des historiens. Donc pour des compositeurs, c'est très, très difficile. Et c'est très complexe puisqu'on remet chaque son ou chaque ambiance sonore dans son complexe son contexte acoustique. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et on touche à du sensible. Et là aussi, toucher au sensible ou au sensoriel, c'est quelque chose qui est à manier avec beaucoup de précautions. Alors il y a à la fois la prise en compte de la réception et puis la prise en compte du propre compositeur. Donc pour conclure, l'archéologie du paysage sonore propose des modèles. Ce n'est qu'une proposition, il pourrait y en avoir 1000 sur la même période. Sur ces 6 minutes, je pourrais vous présenter énormément de versions différentes. Ce n'est pas une vérité figée. Juste pour vous faire sourire, à ma première version, parce que là j'en suis à ma 6e et j'espère travailler ma 7e pour les innovatives 2017, là j'en suis à la 6e version, donc la première version, je n'avais pas la bonne forme de mouette. Ce n'étaient pas les bonnes mouettes, donc un jour un archéo... zoologue m'a dit « Non, mais tu sais, ça, c'est pas la bonne mouette, il faut que tu retrouves la bonne mouette. » Donc j'ai retrouvé la bonne mouette, vous allez entendre avec la bonne mouette. Mais voilà, ce n'est pas une vérité figée. Quand on travaille avec les musées, c'est aussi ce que je dis. C'est que s'il y a des modifications, si la recherche évolue, si j'ai des informations nouvelles, je peux apporter un nouveau modèle. C'est une science transdisciplinaire. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Je suis obligée d'avoir des archivistes, des historiens, des informaticiens. J'ai besoin de tous ces gens-là. Par contre, on s'appuie sur un média qui va instaurer un dialogue, à la fois pour la communauté scientifique et pour le plus large public. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre la 7e version. Vous pouvez entendre une version en ligne sur Internet. C'est la toute première. Je vous conseille de l'écouter plutôt au casque. Et puis, là, je vais vous faire écouter 3 minutes de cette nouvelle version, cette 6e version de Paris. Donc, je vous le contextualise et j'essaye de ne pas trop parler sur ce que vous allez entendre. On va être projeté dans Paris, au 18e, sur la porte de la ville de Paris, c'est-à-dire juste en face du Grand Châtelet. On est plutôt fin mai, début juin, et on est plutôt vers les 10 heures. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un rythme social, à un rythme urbain, qui a cette densité-là. Un peu plus tard, c'est beaucoup plus silencieux. Ensuite, vous allez rentrer dans le marché, aborder un autre marché qui est un marché aux poissons morts. Et sur ce marché aux poissons morts, je rappelle, pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, on est au XVIIIe siècle. Sur ce marché aux poissons morts, il y a énormément de mouches. Et vous allez entendre non seulement les mouches, parce qu'en plus, vous avez la triperie dans le dos et la boucherie dans le dos, mais vous avez également la présence d'hirondelles et de martinets, puisqu'il est attesté par des devis de travaux qu'il a fallu abattre les nids de ces oiseaux qui attaquaient les voûtes du Grand Châtelet. Donc c'est juste pour mettre en appétit, pour vous dire que chaque bruit, chaque son que vous allez entendre a sa raison d'être, et je ne l'ai pas posé comme ça pour vous faire rêver, c'est parce que c'était possible à ce moment-là. Métier tissé, parce qu'il a testé la présence d'un bonnetier, et puis vous allez rentrer sur un pont très bruyant. Donc le pont change. Nous sommes au-dessus de la Seine. Le seul témoignage du reste de Paris de cette période-là. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était intéressant, c'était la vue sur la Seine. Mais on va aller voir ce qui se passe du côté de la Seine. Avec à votre droite, le quartier des Portugais-Saint-Denis, le Possier des Pelletiers. Ce que l'on entend, c'est les ponts qui sont grattés et qui sont déroulés. Dans le fin fond, vous entendez, c'est la Seine et la pompe Notre-Dame pour la ville sur Noix à Paris. Et au fin fond, sous les ponts, vous entendez la Vendure. Merci. Oui, je voulais rebondir sur la dernière phrase. En donnant du son à l'histoire, on lui donne également du sens. Pour vous demander, en fait, du coup, à partir de ça, comment on crée du sens ? Parce que du sensible, ça, c'est une expérience sensible. On a l'impression de se promener dans Paris à cette époque. Et, okay, à partir de là, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, déjà, à quoi ça sert ? Enfin, pour un musée, ça sert à recontextualiser, par exemple, une exposition, c'est souvent ce qu'ils nous demandent. Pour l'enseignement, ça permet de sensibiliser le jeune public sur le sens de l'histoire au quotidien. Ce que je présente, c'est l'histoire au quotidien. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est l'événementiel, c'est pas mon fond de commerce. Mais c'est l'histoire au quotidien. Or, les enseignants nous le disent bien, c'est qu'en général, tout est focalisé sur les gros événements, les ruptures, les guerres, les changements de... Mais rien n'est fait pour le quotidien. Donc ça permet de aussi recontextualiser cette histoire qui fait notre passé, mais qu'on ne met pas suffisamment en valeur, en lumière, dans l'enseignement. Ça répond à votre question. Oui, merci. Je trouve déjà votre travail hyper impressionnant par la quantité d'informations que vous avez pu recueillir au fil du temps. La question que je me pose, moi, c'est plus dans le faire, dans la manière dont c'est réalisé. Visiblement, donc, vous captez de manière objective des ambiances sonores, des sons, en tout cas que vous reconstituez pour en faire des ambiances sonores. Le chaînon que j'ai raté, c'est entre la captation de ces sons-là et le résultat qu'on en a aujourd'hui. Comment est-ce que techniquement vous les recontextualisez, respatialisez et vous travaillez sur justement ce que vous nous racontiez autour des matériaux, des tailles des rues, etc. Alors, donc pour localiser les sons, on travaille avec les cartes. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. On va positionner sur la carte. On dit, voilà, à tel endroit, il y a tel métier. Pour l'acoustique, c'est pas moi. Je travaille avec une petite start-up qui développe des plugins sur l'acoustique de lieu. Donc c'est son travail à elle. On lui donne un certain nombre d'informations sur les matériaux. Et elle travaille à la fois sur l'acoustique des lieux, sur un phénomène qui est souvent oublié dans les jeux vidéo, qui s'appelle la réverbération par convolution. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque j'ai pris le micro, je savais que je n'étais pas forcément correctement branchée, puisque je n'avais pas le retour. Donc ce phénomène-là qui est important, surtout aujourd'hui dans la virtualité, dans la réalité augmentée, nous sommes en train de travailler dessus. Donc là, c'est sa partie. Donc moi, ce que je lui fournis, c'est, voilà, le son il est localisé à cet endroit-là, et il faut qu'il soit recontextualisé au niveau de l'acoustique. Au niveau de la densité des sons, alors je fais le travail inverse que font certains de mes collègues, c'est-à-dire aujourd'hui on capte des ambiances sonores, on va mettre 4 micros, puis on va capter les ambiances sonores, et on va les analyser, c'est-à-dire ils vont dire, dans le fond on a telle chose, là on a un chien qui aboie, là on a un véhicule qui passe. Moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je vais créer quelque part des paysages par écrit en leur disant, sur cette zone-là, j'ai tant de personnes sur ce laps de temps, et je vais remettre des fichiers sons sur cette zone-là, ce qui me donne une densité sonore. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on met qu'un seul fichier, alors qu'on a... une question que j'ai eue avant-hier. Si je mets un seul bruit de pas de sabot, par exemple, et que je le mets 10, 20, 30 fois, ça ne fera pas la même chose que si j'ai une troupe qui marche avec des sabots. Aujourd'hui, s'il y a une inadéquation entre le visuel et ce que j'entends, ce qui est audible, tout de suite le cerveau il dit non, ça ne marche pas. Avec les technologies que l'on a aujourd'hui, hein. Ça aurait été il y a 10, 20, 30 ans, ça passait très bien. Aujourd'hui, le visuel étant tellement précis, il faut qu'au niveau de l'audition, ça soit pareil. Donc ça demande un très très gros travail. C'est le plus gros travail, c'est vraiment le travail de mise au point pour essayer de repositionner dans le contexte et de redonner une possible image du passé. Je ne vous dirai jamais que c'est vrai à 100%, pour plein de raisons. Des raisons philosophiques, parce que c'est du temps du passé sur du présent et que le temps s'affile et c'est jamais le même. Même si je vous dis trois fois oui, mon oui sera jamais le même. Donc ça, c'est des choses. Mais c'est impossible, c'est une possible image du passé. Une possible vision du passé. Oui, bonjour. Je trouve ce travail vraiment remarquable à plein d'égards. Ce qui m'a frappé dans la séquence à la fin, c'est que autant le son effectivement restitue une ambiance et donne à entendre une activité humaine notamment, autant le paysage est plutôt vide. Oui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là une dissonance gênante? Alors ça dépend. Justement, la fresque, elle est intéressante pour ça, parce qu'il y a des gens qui disent ah, c'est super, parce qu'on peut imaginer quand même, parce que cette part d'imagination, ils y tiennent. Et puis il y a tous ceux qui disent non, il n'y a pas de personnage. Alors il n'y a pas de personnage pour plein de raisons. Il n'y a pas de personnage parce que c'est lourd. Lourd à sculpter, lourd à graver, puisqu'on est sur des foules. Donc on m'a bien expliqué, pour avoir un personnage, il faut en graver 100, il faut les scénariser, pour que ça ne fasse pas comme les pingouins d'Antenne 2. Et puis, moi, je suis quand même scientifique. Donc, si je mets des personnages, je suis dans le Paris du XVIIIe siècle. Il va falloir que je retrouve comment on parle. Il va falloir que je vous explique pourquoi tous ces gens que l'on a scénarisés regardent leurs pieds et ne vous regardent pas dans le blanc des yeux, puisque là, on est sur du social. Donc voilà, ça fait autant d'éléments. C'est pour ça que je dis, on est dans le sensible, il faut y aller doucement. On pourra progressivement apporter. C'est un premier travail. Plus on va avancer, plus on va pouvoir intégrer d'éléments, peut-être pas des foules complètes, mais en donnant des clés de lecture. Il n'y a pas de cloche non plus. Donc il n'y a personne qui m'a posé la question. Non, il n'y a pas de cloche, parce que le langage des cloches, il est important. Si je mets des cloches, je suis obligée d'expliquer le langage. Ça fige en plus dans le temps, donc je vais être obligée de dire c'est telle heure, à tel moment de la journée, à tel moment, telle période de la saison. Donc voilà. Après, ce travail-là, il se fait pour nous, chercheurs, parce qu'on glane l'information derrière, parce qu'on se dit toujours qu'on a la possibilité de le mettre, mais on évite d'avoir des repères sonores trop forts. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de personnage. Et si je peux juste... est-ce que du coup, vous avez imaginé aussi restituer ça de manière uniquement audio, mais en réalité augmentée dans les lieux d'aujourd'hui, en trouvant des endroits qui existent voilà. Aujourd'hui. Bon, alors ce travail-là, il sera visible à Paris in situ à partir de juin 2017 avec une boîte de production d'Arte qui s'appelle La Bohème. Donc on a reçu l'aval de la ville de Paris dans le cadre de Carnavalet hors les murs et des travaux qui sont faits sur la place du Châtelet qui sera fermée. Donc pour l'occasion, ça donnera une animation. Ça nous permet également de pouvoir nous y mettre, parce qu'aujourd'hui, si on va faire quelque chose sur la place du Châtelet, c'est impossible puisqu'on se retrouverait sur la route, surtout si on géolocalise l'animation. Donc là, ça sera vraiment l'occasion. Et puis, venez aux Innovatifs, puisque ça sera en démonstration aux Innovatifs. Donc, pas là in situ, hein, mais vous aurez une démo possible. Alors, moi, je travaille juste sur le son. J'ai fait une fresque sonore pour le musée archéologique de la crypte Notre-Dame, donc pour animer un quai. Il y a un quai qui est présent. Et donc là, il y a une fresque sonore du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc on peut remonter. Je n'irai pas jusqu'aux dinosaures, je vous dis tout de suite, parce que ça, je n'ai pas de données. Mais tant qu'on a de l'information écrite et visuelle, on a la possibilité de recréer des ambiances sonores, en prenant beaucoup de précautions. Hein. Après, moi, tout ce que vous entendez, ce n'est pas des sons inventés, ce sont des sons du présent. On est sur du temps long. Donc ce sont des sons du présent. Du passé présent de nos jours, que je fais simplement ressurgir. Donc il y a la possibilité, tout ce patrimoine-là, il est vivant, il est autour de nous, c'est aussi à nous à y prêter attention. Donc si j'ai pas, il y a un trou. ça aussi le travail de l'archéologue par rapport au sound designer qui lui va inventer un son. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à présent à une expérience commune physique donc dans le théâtre Cantor qui est en dessous. Ce que je vous propose juste au niveau pratique, c'est que le lieu ici va rester ouvert. Et comme on va aller manger ensuite ensemble, c'est récupérer en tout cas vos effets de valeur. Si vous voulez laisser vos vestes, etc., vous pouvez. Sachez juste que... Donc vers 13h, on va tous se retrouver à nouveau ici pour pouvoir...